Ouais, Nathan, mec. Rouliano, t'inquiète. La violence. Nouveau son 2009. Démarrage dans le rap, tu te lances quand t'es cap. Début de mon son reste gravé dans ton front. Et j'encule tous ces bouffons. Termine au carton, bah ouais, c'est ça, Raston. C'est dans la violence où t'apprends à te défendre. Mais pas dans cette putain de bourgeoisie où l'argent qui fait reine avec leur coupelle. Ouais, Nathan, mec. Pourquoi tant de violence dans notre zone où la police fait partie de la justice? Police partout, justice nulle part. C'est comme ces cafards qui se barrent se planquer dans les placards. Ouais. Pourquoi tant de violence dans notre zone où la police fait partie de la justice? Police partout, justice nulle part. C'est comme ces cafards qui se barrent se planquer dans les placards, mec. Nathan, Rouliano, au micro, au crime de la violence, on dit ce qu'on pense, on a déjà vu des minés, se faire acquitter, se faire défoncer, juste pour 2-3 billets dans leur porte-monnaie, où ils passent au tribunal, jusqu'ici c'est banal, c'est que des trous de balles, jusqu'une rafale de balles dans leur crâne, bam bam, ça fait mal, pour leur faire comprendre qu'il faut arrêter de se dame. Ouais, Nathan, Rouliano, mec, la violence. Pourquoi tant de violence dans notre zone où la police fait partie de la justice? Police partout, justice nulle part. C'est comme ces cafards qui se barrent se planquer dans les placards. Ouais, Nathan, la violence, mec. Rouliano. Hey. Ouais.